peu fatigué comme toujours, mais je ferai bien glisser mes doigts sur ma guitare solitude. Puis faire résonner quelques notes et m'enfuir avec elle sur les routes du sud. J'ai pensé tout laisser, mais j'ai quand même voulu continuer à jouer dans la rue. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh. Quand je l'abandonne au fond d'une cour, les soirs où tout est flou, arrive la solitude. Je regarde les percus, rien à faire, je suis perdu, seul dans le noir, sans ma guitare solitude. J'ai pensé tout laisser, mais j'ai quand même voulu continuer à jouer dans la rue. Oh oh oh oh oh oh oh. J'ai fini par comprendre qu'il fallait vivre ensemble, couvrir les notes du silence. Oh oh oh.